problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie réalité de flux non maîtrisés et que c'est pas parce qu'on va en mettre 60 et dans un petit village qui est d'accord pour les accueillir, moi ça me pose pas de problème. Si tout le monde est content et que ça se passe bien, il n'y a aucune raison de s'y opposer. Non, bah... Sauf que, une fois qu'on a dit ça, quelle est la ligne du gouvernement en matière d'immigration? C'est quoi la ligne? C'est mettre 60 personnes par-ci, 40 personnes par-là, et on est loin des milliers de personnes que nous devons avoir à prendre en charge. Bonjour. qui sont déboutés de l'asile. Parce que beaucoup vont être déboutés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans les villes et les villages, ces personnes qui n'auront plus vocation à rester dans les cadavres? Non mais d'accord.